écoute de... De Trangena. De Trangena. De Trangena. De Trangena. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons. Et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Trangena. De Trangena. De Trangena. De Trangena. Bonsoir, ce soir mercredi 1er décembre, les Trangenards ne sont pas en studio, mais nous allons diffuser l'enregistrement fait par Sans Papier TV de la matinée de réflexion autour de la question de l'invisibilité des violences faites aux femmes sans papier qui a eu lieu le jeudi matin 25 novembre 2021 pendant la journée mondiale de la lutte contre la violence faite aux femmes. Ceci a été organisé par le comité des femmes sans papier et ses porte-parole, la coordination des sans papiers, le Bureau d'études des sans-papiers, le collectif Formation Société ASBL, Pôle éducation permanente et l'Université populaire de Bruxelles avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'abord, il y a eu des interventions des personnes concernées. Vous allez entendre Alice qui présentera le comité de femmes sans-papiers. Ensuite, Bintou qui parlera des violences faites aux femmes pendant leur parcours migratoire. Ensuite, Ouria qui parlera des violences institutionnelles. Après ça, Evelyne qui parlera des violences au milieu professionnel. Et Sandrine qui témoigne des violences conjugales. Et Henriette qui fait des éléments de conclusion et qui pose des questions pour lancer le débat ensuite. Il y a eu un échange avec le public, une quarantaine de personnes qui ont été inscrites à cette matinée de réflexion. Dans cette émission, vous allez entendre donc d'abord les interventions des femmes sans papier et ensuite j'ai pris 30 minutes de l'échange des débats qui a duré en total 1h30. Pendant les interventions, il y aura des musiques liées à la thématique de violences faites aux femmes. Bien, bonjour à toutes, à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Voilà, on a dû s'adapter au pied levé avec tous les soucis techniques que ça peut suggérer de passer un dispositif de ce type. On aurait espéré vous rencontrer physiquement pour partager le travail du comité des femmes sans papier. Mais voilà, les conditions ne nous permettent pas de le faire comme nous l'avions souhaité. Et donc moi je vais introduire en deux petites minutes et puis je laisserai très vite la parole aux femmes pour qu'elles puissent présenter leur travail. Voilà, juste introduire sur le contexte de la démarche. Donc en fait, on a été sollicité en tant qu'association d'éducation permanente par le comité des femmes sans papier. On a été interpellé par leur souhait de visibiliser la question des violences qu'elles subissent et auxquelles elles sont confrontées sur plusieurs dimensions. Et elles nous ont sollicité pour avoir un soutien dans le fait de, voilà, d'avoir un espace, de créer un espace où elle pourrait prendre la parole et visibiliser et amener le débat, poser le débat. Donc elles ont voulu être à l'initiative de cet événement et ont participé depuis le départ du processus au fait de créer, jusqu'à créer cet événement. Donc nous sommes très très contents que vous ayez répondu présent à leur appel. Un petit mot donc sur les acteurs qui ont collaboré autour de cette demande du Comité des Femmes Sans Papiers. Donc il y a la coordination des Sans Papiers de Belgique, il y a Sans Papiers TV qui filme pour garder des traces des échanges de ce jour. Il y a le BESP, le Bureau d'études des sans-papiers aussi, qui est un des acteurs de ces réflexions. Et en soutien de ces collectifs, le CFS a proposé des formations à la prise de parole pour former des porte-parole des revendications, en tout cas des analyses des femmes. Et l'Université populaire de Bruxelles pour tout l'aspect recherche analytique. Donc voilà, sans plus attendre, je vais directement passer la parole aux femmes et m'invisibiliser. Et on se retrouve donc tout à l'heure pour le débat. Bonjour, moi c'est Alice Machidé. Mesdames, messieurs, le comité des femmes sans papiers s'est constitué en juin 2015. Avec l'ambition de stimuler la rencontre des femmes sans papiers de différentes origines et de renforcer la solidarité avec le Belge. De cette année-là, les femmes sans papiers partagent leurs expériences, leurs connaissances et leurs difficultés, tout en cherchant à trouver des façons solidaires des solutions à leurs problèmes. Pour les faire progresser sur le chemin de l'égalité des droits, c'est-à-dire passer d'une égalité formelle à une égalité de fait, les femmes sans papiers doivent apprendre à connaître ces droits afin de pouvoir les revendiquer. Depuis 6 ans déjà, on assiste dans ces groupes à une dynamique de prise de conscience et de revendication de leurs droits. Les femmes sans papiers de ce comité ont la ferme volonté de devenir actrices de leur propre changement. Tout ce qu'elles entreprennent aujourd'hui a pour objectif d'améliorer et de sécuriser leur parcours de vie par une progression sociale. De nos jours, ces femmes sont certaines que leurs luttes individuelles et collectives finissent par payer, raison pour laquelle elles continuent à s'organiser et à se mobiliser. Le comité des femmes sans papiers avait démarré avec un atelier de couture et une friperie. C'était leur façon de faire pour lutter contre le gaspillage textile et pour partager les connaissances techniques de la couture, du tricotage, des réparations des vêtements, mais surtout pour stimuler la créativité tout en revalorisant le textile à leur possession. Cette activité avait pris un coup d'arrêt à cause de la pandémie de COVID. À l'heure actuelle, le comité des femmes sans papiers est dans la réflexion pour la reprise de cette activité qui était au centre d'un réel échange et des rencontres interculturelles entre femmes issues de tous horizons. Le comité des femmes bénéficie de l'encadrement de Nicole Donto et à collaborer avec les différentes initiatives via les échanges, notamment les aînés, parade, pas des deux, sur les thématiques de la fragilité, la zonade, à l'initiative des centres culturels flamands. Le comité des femmes sans papiers fait partie de la coordination des sans papiers de Belgique. Pour votre information, la coordination des sans papiers de Belgique est une coupole autonome des collectifs des sans papiers qui lutte et revendique la régularisation des sans-papiers, la fermeture des centres fermés, l'arrêt des inscriptions, la liberté de circulation pour tous, l'arrêt de la criminalisation des sans-papiers, le respect des droits fondamentaux comme la santé, le respect et l'application des droits des enfants. En tant que collectif au sein de la coordination, en tant que femmes sans papier, nous nous sommes décidés de monter au créneau de cette lutte que nous menons tous ensemble depuis 2014 pour dire que nous-mêmes, au public et aux politiques, l'ensemble de nos desiderata. Car nous sommes conscientes que la régularisation des sans-papiers de la Belgique ne se gagnera pas si les femmes ne s'investissent pas davantage dans cette lutte. En tant que femmes sans-papiers, nous sommes les mieux placés pour témoigner de nos réalités de vie. Ainsi donc, nous nous investissons pour rendre visibles nos réalités de vie et pour justifier et enrichir les recommandations contenues dans les cahiers produits par la coordination avant les dernières élections communales et l'autre pour les élections régionales et fédérales, en plus des cahiers complémentaires qui relèvent de façon scientifique la situation de la solidarité des enfants sans papier. Dans la perspective de nous préparer au grand rendez-vous, notamment les rencontres avec les présidents des partis politiques, les jeudis de l'hémicycle au Parlement bruxellois, d'autres réunions importantes, nous sommes toutes tombées d'accord de nous former dans le cadre de l'éducation permanente. Ainsi, au collectif Formation Société, pour approfondir la compréhension de tout ce qui est possible pour notre lutte, ensemble, nous construisons nos savoirs pour mieux agir. L'objectif de la présente matinée porte sur les violences faites aux femmes sans papier. S'inscrit dans le cadre de notre plan d'action. En effet, nous avons été demandeuses d'une étude approfondie sur la thématique des violences faites aux femmes sans papier. Nous avons rencontré à cet effet Mme Sarachi, secrétaire d'État à l'égalité des chances et à la diversité, le 13 avril 2021. Notre bureau d'études des sans-papiers a déposé un projet d'études validé par le comité des sans-papiers. Une convention a finalement été passée début novembre à l'initiative de la ministre entre l'Institut pour l'égalité des chances des femmes et pour l'égalité des chances des hommes et des femmes et les GERM, groupe de recherche sur les relations ethniques, migration et l'égalité. Le comité des femmes est associé à cette recherche en lien avec le bureau d'études des sans-papiers, Université populaire de Bruxelles. En attendant, les travaux réalisés nous permettent de présenter aujourd'hui le cadre de notre réflexion grâce à la colloque organisée par la CFES et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous voulons rappeler ici que la précarité, l'exploitation, les discriminations et les violences faites aux femmes a aujourd'hui en Belgique un visage, celui d'une femme sans papier seule, responsable d'une famille, trop souvent privée de toute défense et ressources essentielles pour vivre dignement. Mes camarades vont me succéder et je passe la parole à ma collègue. Bonjour mesdames et messieurs. Moi, je suis chargée d'expliquer le parcours migratoire des femmes sans papiers. Mesdames et messieurs, à l'heure où nous sommes ici, partout dans le monde, toutes les minutes, le droit à l'intégrité et à l'autonomie corporelle des milliers de femmes est violé. Et toujours, dans de nombreux pays, le modèle patriarcal qui caractérise notre société place généralement les femmes et les enfants sous la domination des hommes, sous leurs autorités. Les mœurs et les coutumes entravent l'émancipation et l'épanouissement de la femme. Ces diverses situations poussent nombre de femmes sur la route de la migration, à la recherche de plus de droits, de liberté et de sécurité. Beaucoup de personnes ne le savent peut-être pas, les violences faites aux femmes, à l'exemple des mariages forcés, des mutilations génitales, des lapidations, des défigurations à l'acide et autres crimes d'honneur, l'esclavage, les agressions sexuelles, les violences conjugales, des viols d'épuration ethnique à l'est de la RDC, des grossesses forcées ou les avortements forcés, le trafic des femmes, l'esclavage sexuel, les privations traditionnelles ou politiquement tolérées sont autant des causes qui font que les femmes puissent fuir leur pays pour aller rechercher la sécurité ailleurs. Les violences que j'ai mentionnées sont des graves atteintes aux droits fondamentaux de tout être humain et en résulte une myriade de possibles conséquences pour les victimes. Les femmes en fuite deviennent facilement les victimes des trafiquants d'êtres humains et d'abus. Personne ne peut imaginer les stigmates que ces violences laissent auprès des femmes qui migrent. Ces violences ont un coût psychique, social et financier, très important pour les victimes. Ces femmes victimes sont des personnes souvent détruites en tant que victimes. Elles sont atteintes dans leur dignité, dans leur corps de femme, dans leur avenir. C'est toute l'image même de la femme qui s'effrite. Partant de ces faits, c'est tout leur entourage qui s'effondre. De leur tragique vécu, plusieurs femmes s'amurent dans un silence insondable, comme si elles étaient les coupables. C'est pour ainsi dire que les conséquences psychologiques se déclinent, elles aussi, sur le court, moyen et long terme. Si la victime n'est pas accompagnée par les professionnels spécialisés, celles-ci peuvent s'aggraver. Une liste d'exemples non exhaustive est donnée ici. Confusion, baisse d'estime de soi, sentiment de honte, anxiété, stress, post-traumatique, hypervigilance, la dépression, l'hypertension artérielle, développement des maladies chroniques, troubles obsessionnels ou comportementaux, comportement alimentaire perturbé, amnésie traumatique totale ou partielle concernant l'agression, difficulté de se remémorer les faits avec exactitude, car ces derniers sont stockés dans la mémoire traumatique et dans la mémoire biographique consciente et contrôlée. Alors qu'elles doivent être accueillies, entendues, écoutées et crues, quand elles arrivent ici, elles sont plutôt repoussées et enfermées dans ce cocon de non-droit et deviennent les femmes sans papiers. Ces femmes restent presque dans les mêmes réalités de vie comme dans leur pays d'origine où leurs droits sont dans les mains de tierces personnes. Ce qui est irréfutable, c'est que les droits des milliers de femmes sont confisqués par les politiques d'asile et migratoire avec son droit de séjour. Toute femme migrante privée de droit de séjour est à jamais vulnérable à toutes les violences. Malheureusement, la tragédie des violences que ces femmes sans papier vivent est totalement méconnue du public. Les mouvements féministes ne traitent pas la question des violences faites aux femmes de façon inclusive. Les femmes sans papier sont invisibles et ne sont point prises en ligne de compte dans les programmes de prévention contre les violences faites aux femmes. Cette situation est un exemple concret d'une tragédie vécue à huis clos, car ces femmes ne savent pas porter plainte, même ici en Belgique, qui est un état de droit. L'absence des droits des femmes sans papier perpétue une situation d'impunité qui profite aux auteurs de ces crimes. S'il n'y a aucune excuse à la cruauté de tous ceux qui violent les femmes et les filles, il n'y a pas d'excuse non plus pour un gouvernement qui refuse des droits aux femmes à les protéger, à se défendre, ni à porter plainte sans peur de se retrouver dans un centre fermé. Mesdames et messieurs, je vais terminer mon propos en sollicitant une vraie solidarité avec les femmes sans papier, surtout une solidarité féminine, afin que nous menions ensemble un plaidoyer sans exclusion auprès des pouvoirs politiques pour que ceux-ci prennent des initiatives pour favoriser l'intégration des femmes sans papier dans l'état de droit belge. La régularisation des femmes sans papier fait partie de la solution pour juguler les violences faites aux femmes. Lorsqu'une femme subit des violences, les institutions se doivent de l'aider, de l'accompagner et faire que justice soit faite. Ne pas le faire, c'est se rendre complice de ces violences. Je laisse la parole à Ouria qui vous en dira plus sur les violences institutionnelles. Merci. I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, sold my million. D'entendre Destiny's Child Survivor. Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Ouria, une femme sans papier. Je fais partie du comité des femmes sans papier. Alors, dans nos sociétés, les institutions sont en principe conçues pour trouver des solutions aux problèmes fondamentaux qui affectent les femmes et les êtres humains. Il n'est pas exclu que cette même institution soit parfois autrice d'une violence dont elle ne se rend sans doute pas compte elle-même. La notion de violence a été définie par le Conseil de l'Europe en 1987 comme étant tout acte ou omission qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l'intégrité corporelle, à la dignité et au bien-être général d'une personne vulnérable. Les violences institutionnelles se traduisent par l'usage abusif de la position de l'acteur administratif à l'encontre d'autrui. Elles peuvent toucher tout le monde, mais pas de la même manière. Dans ce cadre de notre exposé, nous voulons mettre en évidence les violences institutionnelles à l'égard des femmes sans papier, autant que violentes violation des droits fondamentaux. En tant que femmes sans papier, nous pensons que le terme de violence institutionnelle correspond aux différentes situations que nous vivons de façon émotionnelle, psychologique et physique dans les administrations. De la manière dont nous la vivons, ces faits de violence sont variés autant par leur forme que par les auteurs. Ici, nous allons pointer du doigt tant les parlements qui légifèrent sur les droits de tous les citoyens et citoyennes que le dysfonctionnement de certaines institutions qui sont en charge effective de l'octroi de ces droits. Dès le départ, les femmes sans papier sont considérées comme des fraudeuses. La situation des femmes sans papier, c'est la tragédie de l'indifférence des politiques. C'est l'expression même du mépris vis-à-vis de l'humain. On a ignoré les femmes sans papier pendant toute la période du Covid. On ne peut pas lutter pour les droits des femmes en feignant d'ignorer la situation des femmes sans papier. Il est incontestable que la pire des violences faites aux femmes sans papier est institutionnelle. Cette violence qui nous prive de droits nous rend à jamais vulnérables à toutes les violences. En nous laissant sans droits fondamentaux, les institutions augmentent notre vulnérabilité et nous installent dans une zone rouge de la souffrance. Les institutions qui sont censées nous protéger font de nous des personnes inexistantes sans défense possible. Nos vies sont mises entre parenthèses par rapport aux droits des étrangers. Lorsque ces parenthèses s'ouvrent, on en sort totalement abîmé, voire détruite. Les institutions, comme par exemple l'Office des étrangers, le Commissariat général des réfugiés et des apatrides, les CPAS, les communes, la police, la STIB, les banques, les hôpitaux, les institutions scolaires, sont autant des foyers qui produisent des violences institutionnelles à l'endroit des personnes sans papier. En ce qui concerne l'Office des étrangers, personne ne peut imaginer comment les longues procédures ni comme leurs décisions affectent le mental des femmes sans papier. L'opacité de la régularisation, l'absence des critères clairs et les modes d'argumentation de l'Office des étrangers. La suspicion perpétuelle, la mise en doute du récit d'exil au niveau du CGRA anéantissent les vies des milliers de femmes sans papier. Nos avenirs sont pratiquement hypothéqués par toutes ces pratiques qui nous dénient l'existence. Sans état d'âme, l'État nous présente comme étant des illégaux, des criminels, alors que personne n'est illégal. Cet étiquetage et cette stigmatisation dans cette catégorie impliquent en nous une inexistence, une perte d'estime de soi. Tant à l'Office des étrangers qu'au CGRA, tout est fait pour ne pas donner le statut aux gens. Les agents de ces institutions partent tous du postulat que tout le monde ment. Dès lors, le traitement des dossiers est fait avec des préjugés. Au niveau du CPAS, les difficultés inhérentes à l'obtention de la carte médicale urgente et le système d'accueil et d'accompagnement dans ces institutions sont souvent source de frustration. Notre situation administrative renforce la négligence dans le traitement des dossiers qui nous concernent. De nos jours, obtenir un rendez-vous au CPAS devient aléatoire. La numérisation exclut les 80% des femmes sans papier, que rien ne soit entrepris pour les amener à s'approprier des nouvelles technologies de la communication. Au niveau des communes, notre statut administratif précaire renforce la suspicion des agents de l'État civil dans les procédures de reconnaissance de nos enfants et de formation de couple avec des citoyens belges. Les violences affectent gravement aussi nos enfants. En effet, les conséquences de cette façon de faire sont à l'origine de la disparition de la filiation qui fait que plusieurs de nos enfants sont sans aucun lien légal avec leur père. Dès lors, ils sont aussi privés de pensions alimentaires et d'autres sortes d'aides. Les femmes sans papier, étant au bout de la chaîne des personnes les plus précaires, payent de lourdes tributs. En effet, l'exclusion de nos enfants dans les activités scolaires, le refus d'accès de nos adolescents pour les études supérieures après leurs 18 ans touche au maximum les parents, notamment ces nombreuses femmes chefs de famille. Les institutions de police sont loin d'assurer une action de protection des personnes qui sont désignées hors normes. Les femmes sans papier ne sont pas à l'abri des violences policières. Elles sont autant des victimes des arrestations arbitraires et de leur envoi dans des centres fermés. Nous gardons en mémoire l'assassinat de Semira Adamou et de la petite Maouda. Autant nous avons peur d'aller porter plainte à la police, autant il n'est pas rare quand nous y allons de relever le refus de certains commissariats d'enregistrer des plaintes des femmes sans papier. En effet, plusieurs femmes sans papier victimes de délits repartent bredouille après avoir été dissuadée de déposer plainte par les policiers avec des prétextes fallacieux. Les mécanismes de plainte pour les victimes de violences policières ne sont pas connus par les personnes sans papier. Le non-accès au droit de séjour est la cause principale du non-accès aux droits fondamentaux. Les femmes sans papier sont de plus en plus vulnérables. Pas d'accès à l'emploi, pas d'accès aux services de santé de base et d'urgence, pas d'accès au logement, pas d'accès à la justice, pas d'accès aux formations, pas de droit de contracter des assurances, pas d'accès dans les foyers d'accueil et pas de possibilité de vivre le plein épanouissement. Autant que femmes sans papier, nous n'avons pas accès aux produits et services bancaires et donc nous sommes dans l'impossibilité de faire les transactions bancaires. Mais cet état de fait n'interdit en rien que les organismes comme la STIB, le TEC ou le DELAIN de nous obliger de payer nos titres de transport par carte bancaire. Voilà encore une difficulté de plus pour accompagner nos enfants à l'école. Sans l'intervention des institutions, les femmes sans papier seront toujours et encore exposées à des violences et à des conditions plus éprouvantes, car elles ne disposent pas de recours pour faire valoir des droits équitables. Clouds gather in your forests, drift to my desert town, and I think of far off places as the rain is coming down. You're bent down in the fields, picking fruit there from the vine, and it ends up on my table as it moves on down the line. Moon shines brightly in the night sky, river flows from south to north. With changing of the seasons, the birds migrate back and forth. They say that you can't come here, not in the light of day. Somebody has got plans for you, starve at home or hide away. Will we open up the borders, tear down the prison walls, declare that no one is illegal? Watch the giant as it falls. So much travels across these borders, so much is bought and sold. One way goes the gunships, the other comes the gold. Free trade is like a needle drawing blood straight from your heart. The border's like a prison, keeping friends apart. Will we open up the borders, tear down the prison walls, declare that no one is illegal? Watch the giant as it falls. Hear the stockholders cheering, the world's getting smaller. hear the drowning child crying. Why are the fences growing taller? Some whisper in the shadows, while others count the dollars. Some have suits and ties, others chains and collars. Will we open up the borders? Tear down the prison walls, declare that no one is illegal. Watch the giant as it falls. May the fortress walls come down. May we meet our sisters and our brothers. Stand arm in arm there in the daylight, no longer fighting one another. Will we stand together? For therein lies our might. Will we understand these words? Workers of the world, unite. Will we open up the borders? Tear down the prison walls. Declare that no one is illegal. No one is illegal. No one is illegal. Nous allons maintenant donner la parole à Evelyne pour évoquer la situation spécifique des femmes sans papier au travail. Bonjour tout le monde, je suis Evelyne. Je fais partie du groupe des porte-parole de la CFS et puis je suis aussi membre du comité de la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC Bruxelles. Donc je vais vous parler des violences en milieu professionnel. Nous avons jusqu'à présent évoqué de multiples précarités, souvent d'extrême pauvreté, que vivent les femmes sans papier, souvent en lien avec leur parcours migratoire. Mais surtout, en l'absence de situation légale, en vivant comme sans papier. Nous avons déjà évoqué dans diverses publications, et encore aujourd'hui, nos problèmes de logement, d'accès à la santé, physique et mentale, de scolarisation de nos enfants. Le plus souvent, sans revenu, il faut affirmer aujourd'hui que de nombreuses femmes sans papier sont en réalité travailleuses. Elles font du nettoyage, du babysitting, travaillent dans les hôtels, dans les restaurants ou dans des exploitations agricoles. Ce sont des travailleuses sans droit. Dans n'importe quel contexte de nos vies, étant sans papier, nos employeurs profitent de notre situation administrative pour nous exploiter encore plus que ceux qui en ont. Ils nous savent très vulnérables. Ils profitent de notre force de travail. Plusieurs femmes sans papier vivent cette exploitation dans le silence. Très souvent, nous répondons à la demande de nos employeurs au pied levé pour 3, 4 heures ou une journée de travail. Parfois même en pleine nuit pour assurer les travaux que les Belges ne veulent pas faire. Régulièrement, ces femmes sans papier travaillent, touchent un salaire très bas, voire même pas de salaire du tout. On ne peut même pas demander le paiement des heures supplémentaires, sinon on perd notre travail. Notre travail est souvent pénible et nuisible pour notre santé. Nous subissons en plus le stress d'une vie sans titre de séjour, loin de nos pays d'origine et de nos familles. Notre bien-être psychique en souffre évidemment. Le mal de dos, la mauvaise humeur et la dépression sont nos maux quotidiens. Et de tout temps, les femmes sans papier sont directement exposées aux violences sexistes de leurs employeurs quand ceux-ci sont des hommes. Les violences sexistes ou sexuelles dans le milieu du travail peuvent prendre différentes formes. Réflexions dégradantes, injures, attouchements, harcèlement moral et ou sexuel. Affichage d'images pornographiques, chantage sexuel, gestes et propos à connotation sexuelle sans consentement, agressions physiques, menaces, etc. Ce qui est le plus courant des violences sexistes, ce sont des attouchements de nature sexuelle sur les seins, les fesses, la bouche, le sexe et les cuisses. L'exhibition sexuelle se comporte. L'exhibition sexuelle, ce comportement consiste à montrer tout ou une partie de son corps dénudé, des regards insistants, des plaisanteries obscènes, grivoises, des remarques sur le physique ou la tenue des demandes sexuelles explicites. L'envoi de messages à caractère pornographique et l'exigence d'un rapport sexuel en échange d'une embauche. À toutes ces violences s'ajoutent aussi les barrières plus invisibles, comme le racisme et la discrimination. Nous sommes chaque jour de plus en plus stigmatisés par les pouvoirs publics. Les femmes sans papier, victimes, revivent en permanence les scènes traumatiques qu'elles ont vécues sans pouvoir s'y opposer, ce qui se traduit par des flashbacks et des cauchemars générateurs d'angoisse et de colère. Il n'est pas rare de voir les femmes sans papier développer des phobies, des troubles obsessionnels compulsifs et des conduites addictives, alcool, drogue, tabac, psychotropes, etc. De tout mon propos, nous attendons des organisations syndicales, de toutes les femmes qui se disent féministes et de toutes les associations qui nous soutiennent, qu'elles prennent à bras le corps la problématique du travail des femmes sans papier. Nous voulons être associées pour revendiquer tous ensemble l'avancée de nos droits. Nous voulons une solidarité sans frontières, sans racisme, une solidarité dans le respect de ce que nous sommes et dans la mise en lumière de nos revendications, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On ne veut pas être là pour accompagner les autres pendant que nous-mêmes nous sommes exclus. Je continuerai à vous parler des violences conjugales envers les femmes sans papiers. J'avais pas vu ma collègue, donc je vais vous passer ma collègue qui va vous parler des violences conjugales envers les femmes sans papiers. Merci pour votre écoute. C'était un samedi soir, avec mon mec on n'avait pas d'histoire. Il m'a dit bébé viens voir, on va faire un petit tour au square. Pas de problème, j'étais partante, tous les deux on s'aime, tous les deux on cède et on kiffe une relation saine. Ça faisait 3-4 mois et on était bien, on n'avait rien. Mais peu importe, on était bien, donc viens. Ce fameux soir et on se promène, on ira loin, je te le promets. Je crois qu'on s'aimait trop même. Au fil du temps, je le vois froncer les sourcils, je m'adoucis. Qu'est-ce qui se passe bébé? Dis-moi t'as un souci. Ça sentait le roussi, mais moi je suis connu, je suis resté. Il m'a dit, tu vois tous tes copains, je commence trop à les détester. Mais bébé, je fais du rap, j'aime ce que je fais aussi des potes. Mon mec s'énerve contre des voitures et casse des portes. Moi, elle me doutait que sur moi, il lèverait la main. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. Je crois qu'on s'aimait trop, même. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. Je crois qu'on s'aimait trop, même. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. J'étais perdu, en panique sur le trottoir. Je voulais rentrer, pas d'RER, 1h du mat, il est trop tard. Il me dit, tu restes avec moi, c'est rien, ça va passer. Une minute après, j'ai juste senti mes côtes se casser. Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. Tes larmes coulent et ton pouls est en baisse, puis en baisse. Il m'a relevé, m'a embrouillé, puis m'a dit, ferme ta gueule Mélanie et dis à ta mère que tu rentres mardi. Les mots sont trop doux, les coups trop violents. Puis il me donnait des coups de coude en tenant son volant. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert. Fermez les yeux, baissez la tête, c'est tout ce que j'ai su faire. L'amour en aveugle, mais j'ai tout vu. C'était écrit, malheureusement j'avais pas tout lu. J'ai eu mal et j'ai rien dit, il m'a menacé de mort. J'étais bloqué, j'avais peur, mais je crois que j'ai eu tort. Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu J'avais mal, j'ai rien dit, j'ai eu peur, j'ai souffert. Durant 6 mois, j'ai enduré, j'ai pris des coups sans rien dire, en me promettant que s'il recommençait, bien j'allais partir. Mais à chaque fois, c'était la même. J'avais trop peur qu'il me tue, trop peur de lui, de ses faits et gestes, peur d'être battu. Il avait réussi à me faire croire que rien ne l'arrêterait, ni la police, ni ma mère, ni mon espoir. Pourtant, y'a pas de sirop. Maintenant je le sais, y'a pas de sérum pour effacer toutes ces traces qu'il m'a laissées. C'est en rentrant mardi avec du sang sur mon visage que ma mère a composé le 17 pour un témoignage. Avec ça, ça fait mal. Comprends que je puisse plus donner du cœur. Comprends que je puisse plus donner du cœur. J'avais trop peur qu'il me tue, trop peur qu'il me tue. Comprends que je puisse plus donner du cœur. Ça va servir vu que mes frères s'entretuent. Trop de drogue dans la lutte, de haine dans les cœurs. Lequel vais-je perdre demain? Et demande-moi si j'ai peur. Oh nana, oh. Tous mes frères dans les halls qui vivent le fusil à l'épaule. Oh nana, oh. Pour toutes mes sœurs dans le noir qui ont perdu tout espoir. Oh nana, oh. Pense à mes sœurs, à quoi ça va servir vu que mes frères s'entretuent. Tous dans la lune, la haine dans les mœurs. Lequel vais-je perdre demain et demande-moi si j'ai peur. Ceci était Diams avec Ma souffrance. Moi c'est Sandrine Chibangupunga. Je viens de Liège, c'est pourquoi j'ai eu un petit retard. Je fais partie du comité des femmes sans papier. La question des violences faites aux femmes sans papier dans leur foyer est toujours absente des débats publics et par conséquent, cela ne permet pas aux associations d'aide aux femmes migrantes de disposer des moyens requis pour apporter les solutions nécessaires pour la protection de ces femmes. Pour commencer mon propos, je ne veux pas occulter le fait que pour beaucoup de femmes sans papier, dans leur vie de couple, leur histoire de violence vécue commence souvent par l'ignorance. Nous sommes nombreuses à ne pas connaître nos droits dans nos relations, parce que nous ne connaissons pas les lois belges, mais aussi parce que nos compagnons restent souvent nos seuls référents. Cette prédisposition nous rend à jamais vulnérables. Nous sommes les victimes les plus invisibles de toutes les violences jusqu'alors ici mentionnées. La dépendance administrative et l'isolement social et physique accroissent notre vulnérabilité. Les violences conjugales dans notre contexte de femmes sans papiers sont très élevées. Il faut être bien soutenu pour y échapper. Les femmes sans papiers se trouvent souvent dans une situation de précarité financière. Les violences conjugales émergent dans les relations inégalitaires. Elles sont commises par nos compagnons afin d'imposer leur contrôle sur nous. Ces hommes violents instaurent un climat de peur et de tension, entraînant un changement d'attitude de la part de leurs femmes qui sont obligées de s'adapter aux besoins de leurs partenaires. Ces violences comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de la femme et même à son intégration dans la société belge. Je peux évoquer ici les violences verbales. Ces violences qui regroupent les disputes, les hurlements, les insultes et le dénigrement passent souvent inaperçues pour tout le monde, car elles ne laissent pas de traces physiques. Malgré l'absence de coups, le climat de peur qui est instauré intentionnellement laisse des traces psychologiques très néfastes pour la femme. Les humiliations, les crises de jalousie, le chantage et la dévalorisation constituent les formes de violence les plus récurrentes. Elles sont d'ordre psychologique. Elles entraînent une baisse de l'estime de soi, de la femme sans papier, et renforce le cycle de la violence. Ici, j'aimerais un peu prendre un petit temps de pause pour parler de moi, parce que j'ai vécu ce genre de violence. Sans connaître la loi, sans connaître que je devais être dans mes droits de savoir porter plainte, j'étais à la merci aussi de me retrouver un jour aussi dans un centre fermé. Mais ce jour-là, la chance me souriait. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour encore renforcer cette lutte afin de connaître nos droits en tant que femme sans papier. Il n'est pas rare de trouver une femme sans papier dont le compagnon ne veut pas que cette dernière fréquente une association. Ces violences affectent non seulement les femmes, mais également les autres membres de la famille, parmi lesquels les enfants. Cette situation touche même les femmes qui viennent en Belgique dans le cadre du regroupement familial. De nombreuses femmes sont dans la capacité financière de quitter leurs compagnons. Dans nos milieux de vie, les compagnons violents en situation régulière font souvent passer leurs compagnes pour des femmes intéressées par leur statut administratif. Même l'arrivée d'un enfant est une période fortement critique pour les femmes sans papier. Car certains hommes qui prennent leur compagne pour des objets sexuels n'hésitent pas à leur imposer un avortement. Plus la relation est dominante, plus le risque d'être victime de violences conjugales est élevé. Par peur d'être mise dans un centre fermé et d'être renvoyée dans leur pays d'origine, ces femmes n'osent pas se rendre dans un commissariat. Et de toute façon, les plaintes des étrangères sont souvent requalifiées en main courante. Et surtout, qu'il n'est pas facile pour une femme sans papier de rassembler des preuves, des photos de blessures, de ses blessures, des attestations de voisinage, des certificats médicaux et ou psychologiques sur les violences subies de son compagnon. Pour les femmes sans papier qui réussissent à échapper à leur compagnon, les risques sont également importants. Exploitation, détresse psychologique, isolement, retour à la rue, suicide, pour ne citer que ça. Ce n'est pas un secret en Belgique. Les femmes sans papier victimes de violences conjugales ne reçoivent pas l'aide dont elles ont besoin. Elles sont exclues des dispositifs mis en place pour protéger les femmes. Elles subissent une double discrimination. Elles ne peuvent agir contre les violences domestiques car elles n'ont nulle part où aller. Même quand elles veulent agir, Elles ont peur que leurs enfants soient retirés. Que leurs enfants leur soient retirés. Elles sont nombreuses encore, plus invisibilisées que les autres et livrées à elles-mêmes, à vivre le martyr en silence. Le fait de ne pas bénéficier de l'aide n'est pas un problème social, un problème, mais un problème politique. Les femmes sans papiers victimes doivent recevoir des soins sans discrimination pour pouvoir signaler les violences sexuelles et domestiques à la police sans crainte. En outre, il doit y avoir suffisamment d'abris pour les femmes sans aucune condition. Bien sûr, nous avons appris l'existence des centres de prévention des violences conjugales et familiales, aujourd'hui basés dans 5 hôpitaux du pays. Il s'agit de lieux d'accueil en milieu hospitalier, associant les services de police, censés mieux protéger les femmes, et nous nous en réjouissons. Ces expériences ayant maintenant une année, nous nous interrogeons sur le nombre des sans-papiers qui les ont fréquentés. Ont-elles été informées? Ont-elles osé franchir la porte sans peur? Quel suivi leur a été? Sans plus tarder, je vais passer la parole à ma camarade Henriette qui va continuer. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Henriette Essanicolo et je suis membre du comité des femmes sans papiers. Mesdames, messieurs, le comité m'a demandé de tirer quelques éléments de conclusion des poignantes et captivantes interventions de mes camarades. À leur écoute, je me permets de supposer que chaque personne ici présente a pu relever l'évidente dichotomie existant entre les représentations tronquées de la réalité de vie des femmes sans papier et la vérité du terrain étayée ici au travers de l'éventail de violences dont elles font quotidiennement l'expérience. Expérience par ailleurs déniée, banalisée et constamment invisibilisée. Sans papier. Peut-on un instant nous arrêter sur cette appellation? Sans papier. Un nom, un titre stigmatisant. Apposé à un groupe d'individus jugés hors normes, indésirables et illégaux. Une catégorisation réductrice, chargée d'une connotation fortement négative et cloisonnant des êtres humains dans une case « made in » l'Office des étrangers. Les épinglant de facto en de parfaits alibis d'une politique migratoire bancale, discriminante et inhumaine. Les femmes sans papier dont il est ici question voient continuellement remise en cause leur présence sur le territoire belge. Et cette fixation insidieuse sur la question de l'illégalité de leur statut administratif détourne de façon sinueuse des véritables enjeux derrière cette présence. Une présence, terminus évident de parcours migratoires aussi complexes que périlleux, parcours précédé d'une série de décisions et de choix. Des choix pour un grand nombre de ces femmes précédés d'une multitude de violences, des violences qui s'inscrivent dans des contextes politiques, culturels, socio-économiques, complexes et sensibles. Violences infligées dans des climats majoritairement patriarcaux s'avérant délétères pour leur épanouissement. Et de ces contextes naissent, en guise d'échappatoire, des dessins de liberté matérialisés par ces parcours au bout desquels se dévoile un tout autre spectre de violence insoupçonnée ici en Belgique, aux ramifications profondes, indélébiles et onéreuses sur les plans psychiques, sociaux, financiers, mais aussi et surtout physiques pour les victimes. La liste non exhaustive des mots qui viennent à frapper ces femmes, liste qui a été lue par la camarade Bintou, en est le parfait exemple. L'éventail de violences subies par les femmes sans papier se décline sous les formes suivantes. Les violences institutionnelles, infligées par des figures censées représenter protection et soutien, mais se retrouvant à cultiver suspicion, ignorance et isolement à l'égard des femmes sans papier et les tenaillant du coup dans des situations de précarité extrême. Vous avez les violences sexuelles et sexistes en milieu professionnel, communes à toutes les femmes, mais bien plus pernicieuses pour les femmes sans papier, du fait de cette illégalité administrative qui les contraint à se murer dans un silence et une inaction forcée. Vous avez aussi les violences conjugales, fruits rancis d'une masculinité toxique alimentée par la volonté de domination et de dévalorisation de la femme. Violences encouragées par de nombreux paramètres, parmi lesquels l'isolement social et physique, la précarité financière, la dépendance administrative, pour ne citer que cela. Mesdames, messieurs, comme annoncé en introduction de notre présentation, ce séminaire n'est qu'une première étape, ce n'est qu'une amorce d'un travail de terrain conséquent à venir, porté par le comité des femmes sans papier, et visant à mettre en lumière l'invisibilisation et la quasi-normalisation de la multitude des violences cumulées par les femmes sans papier et constituant malheureusement notre quotidien. Par cette rencontre, nous souhaitons ouvrir la voie à des pistes à creuser pour protéger au mieux les femmes sans papier victimes de violences et pour visibiliser les maux inhérents à nos vies de femmes, à savoir le harcèlement, les humiliations, l'exploitation, les violences verbales et physiques. Il est important de noter que les obstacles à notre intégration dans la société belge et l'exploitation des femmes et hommes sans papier via le travail au noir sont de la responsabilité des pouvoirs publics qui nous installent volontairement ou pas, c'est une autre question pour un autre débat, mais il est important de noter que ces pouvoirs publics nous installent dans ces spirales de violence et d'esclavage moderne. De toutes les interventions prononcées ici, plusieurs questions nous taraudent. La loi faite pour protéger les femmes a-t-elle été pensée pour toutes les femmes? Pourquoi une femme sans papier victime de violence ne peut-elle pas bénéficier de plein droit d'une protection et d'un plein accès aux dispositifs existants en la matière? Qu'est-ce qui devrait prédominer entre le droit des femmes et le droit de séjour? Pourquoi ne peut-on pas permettre aux femmes sans papier d'accéder aux services sociaux, à la police et à la justice, sans qu'elles ne soient hantées par la peur d'une expulsion ou d'un emprisonnement en centre fermé? Que manque-t-il à ce pays pour augmenter le nombre de places dans les refuges et abris existants? Que manque-t-il à ce pays pour mettre en place des refuges et des abris inclusifs? Et par inclusif, j'entends la prise en compte des femmes sans papier, avec ou sans enfants, victimes de violences. Pourquoi les pouvoirs publics ne peuvent-ils pas réquisitionner des espaces vides pour accueillir les femmes sans papier, avec ou sans enfants, afin de mieux les protéger? Pourquoi les associations militantes pour les droits humains n'organise-t-elle pas des campagnes de sensibilisation en prévention contre les violences masculines tout en associant les femmes? Voilà donc un échantillon des questionnements qui nous traversent. Mais le temps est venu de vous donner la parole et d'écouter les propositions que vous souhaiteriez faire. Nous souhaitons que cette parole que vous prendrez ici soit continue dans et au-delà des lieux où vous travaillez et militez, et que cette parole mène à des actions concrètes qui renforcent les luttes à la fois individuelles et collectives des femmes sans papier. Ce débat sera animé par Serge Bagamboula, à qui je donne la parole. Je vous remercie. Pour atterrir dans mon pays froid, quel désir ou quel effroi t'a fait partir de là-bas? Dis-moi, Semira, la vie des femmes au Nigeria, ton amour tu le choisiras ici ou là-bas?

au moment venu, on leur a refusé la parole pour exprimer vraiment leur vécu de cette situation de violence. Donc, avec ce qu'elle vient d'étaler aujourd'hui, et comme l'a dit Henriette, c'est un travail qui va se poursuivre. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à des solutions. Parce qu'un état de droit qui n'arrive pas à protéger les femmes victimes de violences, sous prétexte qu'elles sont sans papier, ne peut pas se prévoir à toujours être état de droit. Et donc, l'idée, c'est de vous écouter en fonction de ce que vous avez entendu, de ce que vous pouvez proposer pour enrichir le débat, pour enrichir ce travail-là qui se profile à l'horizon, qu'elles ont souhaité porter par elles-mêmes, parce que jusque-là, on ne parlait pas d'elles, mais aujourd'hui, elles sont montées au créneau pour visibiliser cette situation. Je crois que dans beaucoup d'instances aujourd'hui, on parle de cette question, mais le mot « femme sans papier » ne sera pas évoqué. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, puisqu'on a l'habitude de constater cela. Donc, on va vous écouter pour vos contributions. Je pense que c'est, comme on l'a dit tantôt, c'est une matinée de réflexion. Les femmes ont posé un problème. Je pense qu'il est sérieux. On a été nombreux dans les campagnes de MeToo. On n'a pas entendu les femmes sans papier. Et là, on entend maintenant « balance ton bar ». On n'entend pas les femmes sans papier. Elles sont victimes de ces situations. Comment la société peut les accompagner? C'est tout ce qu'on cherche à demander ici. Comment on peut les accompagner? Comment on peut exiger du gouvernement qui jusque-là est carrément en dessous de tout en termes de protection des femmes sans papier? Parce que c'est le gouvernement, c'est les autorités publiques qui devraient vraiment les protéger de plein pied. Mais aujourd'hui, ils sont carrément dans un trou d'air où on n'arrive pas à trouver des solutions pour les femmes sans papier. Elles sont nombreuses à errer dans les rues parce qu'ils ont été victimes de leurs compagnons qu'ils ont mis à la rue et que voilà, ils n'arrivent pas à trouver la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Voilà, je suis Bijou Benza, je travaille au CVFE, qui est un collectif qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales principalement. Je suis touchée parce que il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler dans l'association, la problématique des femmes sans papier s'est posée déjà à cette époque-là. Et c'est certain qu'on a essayé, avec les moyens qu'on avait à l'époque et qu'on a encore maintenant, de sensibiliser et politiquement et les autres associations et les travailleurs de terrain. Donc j'ai envie de dire que c'est un travail de longue haleine qui se fait depuis longtemps, qui est souvent invisibilisé comme la majorité des intervenants tout à l'heure a pu le mettre en évidence. Donc par rapport à la question « que faire ?», moi je crois qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à revendiquer, continuer à se battre, continuer à avoir une place. C'est extraordinaire de voir ces femmes concernées qui sont actrices elles-mêmes et militantes. Je pense que quand des actrices se positionnent, la parole, elle touche plus que quand ce sont simplement des travailleuses qui sont sensibilisées et qui font la même démarche. Voilà, donc moi j'ai envie de continuer à les encourager. Je crois que la vision politique, pour le moment, elle est un tout petit peu biaisée parce que parler des femmes sans papier, c'est parler des femmes sans droit. En fait, c'est donner une reconnaissance à des femmes qui ne sont reconnues nulle part et qui n'existent pas. Donc, la place politique est à prendre parce que ces femmes existent, elles sont là. Ce qu'elles vivent est inacceptable, comme on l'a dit, dans un pays de droit. Donc, voilà, allons-y, continuons. Maintenant, voilà, je n'ai pas la solution, sinon j'imagine que j'aurais fait des choses depuis plusieurs années. Donc, tout d'abord, un grand merci, voilà, à toutes, Alice, Bintou, Ria, Pauline, Sandrine, Henriette, à toutes les femmes qui sont intervenues ce matin. Donc, le GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Et par rapport aux femmes sans papier, ce qu'on fait déjà, on ne fait sans doute pas assez, mais ce qu'on fait déjà, c'est de pouvoir accompagner d'un point de vue individuel toutes les femmes sans papier au niveau social et et psychologique, c'est-à-dire qu'on n'a aucune conditionnalité au statut. C'est-à-dire que les femmes qui ont subi une excision ou qui ont leur petite fille à risque, elles peuvent venir au GAMS dans les antennes de Liège, de Namur, de Bruxelles, sans aucune conditionnalité, tout est gratuit. Donc ça, c'est déjà voilà, un premier pas. Et pour les activités de groupe, eh bien, on donne aussi des tickets de bus pour pouvoir aller aux activités sans se faire arrêter, justement, parce qu'on sait que la STIB et la police sont souvent complices quand il y a des contrôles. Et donc, on veut éviter ça. Maintenant, au niveau politique, je rejoins aussi ce que les intervenants disaient, et ça fait partie d'un point de notre plaidoyer qui est un refuge, un endroit, un accueil sans conditionnalité aussi pour les femmes victimes de violences, les femmes sans papiers. Et bien qu'on le mette dans notre plan de plaidoyer chaque année, bien, on voit que ça ne se fait pas. Et là, il faut sans doute passer à la vitesse supérieure avec une action visible, je pense. Ça ne suffit pas sans doute de le mettre dans un plan de plaidoyer, parce qu'on l'a mis et on voit que ça ne bouge pas. Et là, je voudrais plutôt relancer alors le comité des femmes sans papier en disant comment nous, alors, on pourrait aider à soutenir de manière peut-être plus... je dirais par des actions dans l'espace public plus visibles que juste le rappeler dans nos plans de plaidoyer, parce que cette revendication-là, elle l'est, on le redit toujours, mais apparemment la parole ne suffit pas, il faut peut-être passer à la vitesse au-dessus avec quelque chose de très visible dans l'espace public sous les fenêtres de Sarah Schlitz. Enfin, on l'avait déjà fait pour le fait que quand les femmes n'étaient pas reconnues réfugiés alors que leur petite fille par exemple était reconnue pour être protégée de l'excision. En ce moment, les mamans ne sont plus reconnues et ça, c'est une perte de droit. Donc il y a des femmes qui se retrouvent sans papier alors que leurs petites filles ont leur statut. Donc le 5 février cette année, on était sous justement les fenêtres de Samy Mahdi et de Sarah Schlitz et ça avait quand même fait un effet assez important. Et je me demande voilà, si là aussi, on ne doit pas penser à une action très symbolique et très visible en fait, par rapport aux politiques. Parce que la solution, elle est politique. Je pense que toutes les associations de femmes sont d'accord qu'il faut faire plus. Mais voilà. Donc là, je relancerai la question, comment nous pourrions vous soutenir d'un point de vue pour faire cette action commune très très visible en fait. Qu'on puisse réfléchir ensemble à ça et nous, on serait prêts à être là à côté du comité des femmes sans papier. Sur la question de visibiliser cette problématique, l'idée, je crois qu'on en a discuté avec le comité des femmes, c'est d'avoir aussi des espaces où ils peuvent intervenir, c'est-à-dire que les associations s'organisent pour leur donner des espaces d'écoute et de discussion pour porter au grand public ces informations méconnues du public et comment les accompagner, surtout le comité des femmes sans papier qui est déjà organisé, je crois qu'on est assis le dire ici et tout le monde l'a dit, voilà, elles peuvent aussi intervenir dans des amphis, dans les universités pour montrer vraiment cette vérité, cette réalité de vie. Je me souviens du dernier débat auquel les femmes du comité ont participé. Henriette, peut-être pour en dire long, c'était quand même des situations où on voulait rendre coupables les femmes. C'est comme si, voilà, alors que c'est des victimes qui doivent être entendues, écoutées et crues. C'est ce qu'ils disent, c'est tout ce qu'on leur demande. Et dès lors, elles sont crues et doivent être aussi accompagnées, assistées et protégées de la même manière que tous les autres. Toutes les autres. Donc, voilà. C'est d'avoir ces espaces dans les associations, des invitations. Je crois que de fil en aiguille, la société aussi sera édifiée parce que ces situations ne sont pas connues. C'est vrai que dans nos discussions de tous les jours, bon, on revendique la régularisation, c'est vrai, mais tous les mots, toutes les présenteurs, toutes les situations que les personnes disent ne sont pas connues. C'est là la question. Et aujourd'hui, je crois qu'avec ce que les femmes disent, ça doit être relayé partout où besoin sera. Ce que je voulais ajouter. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre réflexion. C'était très clair et très prenant, vraiment très très bien. Moi, je travaille au CESTO, on est le service social et solidarité. On est un service social général, mais avec une spécialisation en droit des étrangers. Donc des personnes qui sont en situation de sans type de résidence, on en croise tous les jours. Et de plus en plus, ce qu'on constate vraiment, c'est que pour le moment, le CGRA, majoritairement l'Office des étrangers d'une autre part, sont vraiment en train de créer des personnes sans type de séjour chaque jour. Donc voilà, il y en a une qui disait, en fait, je pense qu'ils disaient volontairement ou involontairement, ben, je pense qu'on est vraiment dans cette démarche. En termes d'associations qui travaillent en droit des étrangers, je dois bien avouer que malheureusement, même pour nous, je ne veux pas noircir le tableau, c'est une situation auquel on accompagne au mieux chaque personne, mais on est de plus en plus démuni aussi. Parce que ça devient vraiment le problème, ça devient une décision politique de continuer à mettre volontairement des situations dans cette spirale de violence. Voilà, on accompagne vers des régularisations, on cherche toutes les possibilités afin d'obtenir un titre de séjour, parce que c'est vraiment ça qui va ouvrir un maximum de droits. On attaque les CPS pour pouvoir obtenir des revenus d'intégration ou alors des aides sociales. À ce niveau-là, beaucoup de CPS, on peut obtenir des aides spécifiques par rapport aux enfants. Ils sont un peu plus coulants par rapport à ça, en plus de l'aide médicale urgente. Donc ça vaut toujours la peine d'essayer au CPS. Par exemple, que ce soit des aides pour les langes, hein, ne serait-ce que ça. Je sais que la discussion pour la précarité menstruelle est vraiment en train de se mettre en place aussi dans certains CPS. Donc ça peut aussi être voilà, des points d'appui pour certains cas. Voilà, nous, ce qu'on travaille majoritairement avec un public latino, d'origine d'Amérique latine et d'Amérique centrale, et on voit vraiment que c'est via le CGRA qu'on a de plus en plus de publics qui arrivent. Moi, j'avais une petite question. Au tout début, il a été parlé d'une rencontre avec la ministre Shields par rapport à l'institution pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et votre secteur. Est-ce qu'il y a une suite par rapport à cette rencontre? Quel était le but? Et qu'est-ce que la ministre est potentiellement engagée à faire ou à dire? Parce qu'on se voit lancer là sa candidatrice, mais quel était l'objectif et quelle était la suite qui pouvait éventuellement être donnée à ce type de rencontre? Merci. Est-ce que Sandrine ne pourrait pas répondre à la question de Jean-Charles Emmanuel qui posait la question de savoir quelle est la suite donnée de la rencontre, de vos nombreuses rencontres avec le cabinet Sarah Shields? Il y a une suite déjà avec le cabinet Sarah Schlitz, parce que nous sommes. Il y a une enquête qui débute là pour la problématique des femmes sans papier, avec le GERM et l'ULB. Donc nous sommes là, d'ici peu vous aurez toutes les informations, parce que c'est, je crois, ce mois-ci, vers la fin ou le mois prochain, qu'on va débuter l'enquête. À travers toute la Belgique, en Flandre, en Wallonie et ici sur Bruxelles. Merci. Vite, va m'enchérir avec des autres questions, avec ce qu'elle peut dire sur ce sujet. La particularité de cette rencontre, c'est que cette fois-ci, les femmes sans papier seront sur le terrain, feront l'enquête par elles-mêmes, et elles vont s'impliquer pour visibiliser vraiment leur réalité. Tout le travail sera autour des femmes sans papier, c'est important, avec la collaboration de l'ULB. Donc c'est une chance que le cabinet nous a offert, ce qui est une particularité à souligner, pour nous donner la chance de visibiliser notre travail à travers une université. Donc, on va parler par nous-mêmes, parce que d'habitude, les études se font par d'autres personnes sur les femmes sans papier. Et nous estimons que c'est une chance inestimable que nous soyons sur le terrain, que nous parlons en notre nom, que nous disons des choses que nous vivons. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par moi-même, que par nous-mêmes. Les institutions ont beau fait de faire des rapports, il y aura toujours des choses qui manquent. Mais si c'est fait par nous, nous estimons que la réalité sera plus visible. Et donc, c'est ça qui est vraiment important à souligner, qui a été ressorti dans la rencontre avec Mme Sarah Schlitt. Personne ne parlera des femmes sans papier, alors que c'est les femmes qui existent, qui sont dans ce dans nos milieux de vie, mais personne n'est pas rendu. Elles vivent ces violences-là. Aujourd'hui, elles ont essayé d'en choper, de mettre ça en lumière. On va continuer ce travail. Et donc, déjà, les jours qui s'annoncent vont être... c'est des réunions, c'est des rencontres, c'est des discussions dans les occupations. C'est dans les occupations qu'on va descendre pour écouter davantage les femmes sans papier. C'est elles-mêmes, quand ils me l'ont dit, Bint l'a dit, elles feront ce travail-là elles-mêmes. Elles seront accompagnées par Théouta, qui est une chercheuse de l'ULB. Et puis voilà, le travail final sera présenté à Madame la ministre Sarah Shields, qui a eu quand même cette écoute. On aurait souhaité que vraiment cette écoute soit aussi voilà, dans tous les partis. Quand même, on ne peut pas continuer à prétendre dire que non, défend les droits des femmes et puis on ignore les femmes sans papier alors qu'elles sont là. Elles sont toutes des femmes. Donc vraiment, c'est ce cri d'alarme, c'est ce cri que nous donnons. Je crois que les femmes l'ont su bien le dire. Et Alain, tu peux, je pense, peut clôturer la journée aujourd'hui. À l'écoute de... L'étrange anal. L'étrange anal. L'étrange anal.